Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, une star parmi les stars, une icône pop incontestable, iconoclaste, Madonna, et la tournée qui a fondé son mythe, le Blonde Ambition Tour de 1990. 24 albums, 300 millions de disques vendus, 10 tournées, 20 films, 16 biographies, Madonna est de tous les records et de tous les classements. 193 récompenses officielles, 20 ans cumulés dans les top 50, elle est la chanteuse qui a vendu le plus de disques de l'histoire de la musique, celle dont les tournées ont rapporté le plus d'argent et donc logiquement l'une des femmes les plus riches au monde. Sex symbole, avatar du rêve américain, héroïne féministe, businesswoman, Madonna est tout à la fois. À force d'ambition et de provocation, elle a construit un règne, un empire financier et elle a imprimé sa trace durable dans la culture occidentale. Un règne qui trouve sans doute son socle en 1990, au moment du Blonde Ambition Tour, la tournée fondatrice et légendaire de la chanteuse. Homosexualité, religion, masturbation, genre, Madonna est maître en son royaume et elle en profite pour tout chambouler au risque salvateur de déranger. Notre invitée aujourd'hui, après le récit, Carole Boinet, journaliste aux Inrecuptibles, féministe, question de genre, ce sont ses spécialités. C'est une invitée pop, pop, pop, comme dirait notre ami de Cône. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jeanne Maillard, coordination Christophe Barrère, réalisation David Jacuboviez et Sonia Leglen. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Pensionnat de religieuses dans les États-Unis des années 60. La petite Louise Ciccone regarde avec fascination les lourdes croix de bois pendues au cou des bonnes sœurs. Elle admire l'élégance mystérieuse de celles qu'elle voit comme des êtres à part, surhumaines, merveilleuses. La future reine de la pop aime les nonnes, alors c'est décidé, la petite qu'on appelle Madonna, comme sa mère, entrera dans les ordres. La mère de Louise, Madonna Fortin, est morte quand sa fille avait 5 ans. Le père, Silvio Ciccone, restait seul avec ses 6 enfants, s'est remarié avec la gouvernante. Oh, un couple strict et une belle-mère austère qui oblige la jeune Madonna à l'appeler maman. Le père, d'origine italienne, est aimant, mais comme il veut le meilleur pour ses enfants, il leur impose une discipline de fer. Revenue du pensionnat religieux, Madonna doit étudier, étudier, encore étudier, pas de télé, pas une minute pour les loisirs et une messe tous les jours. Alors rapidement, la jeune fille se cabre. Déjà féminine et fantasque, elle veut se faire remarquer, elle veut qu'on l'aime. Elle qui n'a pas connu sa mère et qui se heurte à la rigidité paternelle. Dès mon plus jeune âge, je savais que je voulais qu'on parle de moi, que la terre entière m'adore et subisse mon influence, racontera Madonna. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? Un rêve de biographe que ce parcours, d'autant plus que la chanteuse nourrit sa légende et s'imagine déjà en incarnation de l'American Dream. Son père, ingénieur d'une banlieue paisible, se mue dans les récits de sa fille en pauvre ouvrier de Détroit. Et Madonna se prend pour la petite fille aux allumettes, pauvre Cosette, montant à New York avec 35 euros en poche et son mini-short Levi's déchiré. Car en 1978, à 20 ans, la jeune femme va faire un choix qui changera sa vie. Comme des milliers d'autres jeunes Américaines en quête de gloire, elle quitte sa province pour se risquer dans la grosse pomme. Elle ne chante pas encore, mais elle danse et enchaîne les castings quand elle ne gagne pas sa vie comme serveuse de fast-food. Patrick Hernandez, le Frenchie qui chante Born to be Alive, cherche justement des danseuses pour sa tournée américaine. Ses producteurs, fine mouche, remarquent la jeune Madonna. Oh, un peu plouc, un peu vulgaire, mais coriace. Déterminé, on peut en faire quelque chose. « Des rêves plein les yeux, Madonna quitte le Queens et la synagogue désaffectée qu'elle habite avec son petit ami, qu'elle quitte aussi d'ailleurs au passage, direction la France. On la balade en limousine, on l'emmène en boîte de nuit, mais rapidement la jeune américaine n'y croit plus. Après un an de colloque avec Patrick Hernandez, ça suffit. À Paris, elle a pris ce qu'il avait à apprendre, le fun, l'aventure, les cours de chant. Mais c'est à New York que tout se passe. Et Madonna en est sûre, son destin ne sera pas celui de Patrick Hernandez, la star d'un tube, Born to be Alive. Elle, c'est Born to be a Star. Elle est née pour être une star. Le chanteur se souvient sur France Inter. À l'époque, ça m'avait fait un peu sourire. Et c'était même pas avant de partir, c'était pendant que nous étions ensemble à Paris. Un jour, elle m'a dit ça, je crois que c'était au sortir d'un restaurant. Et elle m'a dit, tu vois, aujourd'hui, effectivement, elle m'a dit, aujourd'hui, c'est toi. Tu es assis sur le toit du monde, tu es numéro 1 dans 25 ou 26 pays du monde. Demain, ce sera moi. Ça m'a un peu fait sourire, mais finalement, si on l'avait ramenée avec nous de New York, alors qu'elle était une danseuse absolument inconnue à l'époque, c'est qu'on se doutait bien qu'elle avait un potentiel absolument incroyable. Quoi. New York 1980, New York, son melting pot culturel et underground. La culture club, la mode, Andy Warhol, Boy George, les boîtes gays, les débuts du rap, le graffiti, c'est tout ça à New York. Et c'est dans cet environnement bouillonnant que Madonna s'épanouit et s'amuse, surtout. Tous les soirs, elle va danser à la Vegetaria, une boîte branchée. Nombril à l'air, brassière en résine, crucifié, chapelet. Madonna est une petite punkette comme les autres. Enfin comme les autres, non. Avec quelque chose de plus, et tout le monde voit. Un soir, le DJ accepte de passer Everybody, une chanson dance qu'elle a enregistrée avec un ami. Sur la piste, le morceau fait un carton. Et Sire Records, une filiale Warner, décide de miser sur la jeune femme. Nous sommes en avril 1982 et le monde ne le sait pas, mais il tournera bientôt autour de Madonna, entre autres, hein, car règne au même moment un authentique génie de la musique, de la danse et de la pop, Michael Jackson, qui est le monde à lui tout seul. Juillet 1983, Madonna sort son premier album. Un condensé de chansons dance comme Holiday, Borderlines ou Lick a Star. Le disque connaît un petit succès qui encourage ses producteurs à en sortir un deuxième dès l'année suivante. Ce sera Like a Virgin. 20 millions d'exemplaires dans le monde en quelques mois. Le phénomène Madonna se répand comme une traînée de paillettes sur le visage de ses fans. On les appelle les wannabes, un phénomène nouveau qui intrigue les adultes. En Amérique comme en Europe, elles veulent tout être Madonna. Les jeunes groupies s'habillent comme elles, le soutien-gorge apparent, la jupe tube, les cheveux décolorés, tout y est. À New York, des concours de sosie sont même organisés avec Andy Warhol dans le jury, s'il vous plaît. À Paris, où Madonna, la vraie, s'apprête à passer quelques jours, les fans font le pied de grue devant le Ritz. Elle arrivera au Ritz lundi à 15h. La nouvelle circulait parmi les initiés depuis quelques jours, alors ils étaient là, dès midi, toutes affaires cessantes, pour ne pas manquer l'apparition de leur madone. Certains pèlerins étaient même venus de loin. Je suis venu pour elle, seulement pour elle. Vous habitez où ? Venise. Bon alors, moi, dès qu'elle vient à Paris, c'est simple. Les cours, au revoir, je peux me faire jeter, j'en ai rien à faire du moment que je la vois. Là, j'ai plaqué les cours pour aller en Angleterre, là, je l'attends à Paris, c'est de la folie. Pour tromper l'attente, on dissèque la presse, on échange des infos, on observe le look de ses co-religionnaires. Mais qu'est-ce qui fait courir les fans de Madonna ? En cette année 1985, les fans de Madonna sont aussi les fans de Suzanne. Car un film bientôt culte où Madonna joue presque son propre rôle sort sur les écrans. Il est intitulé « Recherche Suzanne désespérément ». Un demi-succès critique, mais un modèle pour les teenagers du monde entier qui se reconnaissent dans cette jeune femme aventureuse, séductrice, clope au bec. Et cette scène où elle se sèche les aisselles, où sèche-cheveux Madonna, la féministe commence à éclore. Madonna, la provocante aussi. À son mariage, en 1984, avec l'acteur Sean Penn, elle lève le majeur vers les paparazzi et les hélicoptères qui se sont invités à la cérémonie. Warhol, toujours là, parle du week-end le plus excitant de sa vie. Les journalistes suivent le mouvement, mais le phénomène Madonna est à moitié compréhensible à l'époque. Car la jeune femme n'est pas une grande chanteuse, ni même une grande danseuse, non. Sa force, et les observateurs le comprendront plus tard, c'est qu'elle est un vrai couteau suisse. Elle ne transcende rien, mais elle sait un peu tout faire, chanter, danser, et même jouer la comédie comme le raconte le journaliste Jean-Marie Leduc. C'est quand même quelqu'un qui a gravi l'échelle, probablement grâce à ses bretelles de soutien-gorge. C'est une volonté fabuleuse, c'est une planification de carrière extraordinaire, c'est un objet marketing formidable, dont l'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, il est en train de le réaliser, est le cinéma. C'est une bosseuse, c'est quelqu'un qui ne se pardonne rien, qui décide de tout. Elle a arraché son contrat discographique à son producteur, sur le lit d'hôpital de son producteur. Donc ça voulait dire qu'elle voulait pas le lâcher. Depuis, elle n'a lâché personne. Et l'organisation Madonna, c'est Christopher, son frère, qui boucle tout derrière. Et donc, c'est une histoire de famille planifiée de la manière la plus entreprise, la plus business possible, quoi. Oui, Madonna s'est gérée son image en vrai pro du business. À coup de vidéoclips, notamment un format encore nouveau dans les années 80. Inspirée, elle en fait immédiatement son outil de prédilection. Marie Lambert, Jean-Baptiste Mondino, Jean-Paul Goude, elle s'entoure des meilleurs car elle a compris l'importance des images qu'elle met au service de l'esthétique et du personnage qu'elle veut construire. Ou plutôt, des personnages. Car Madonna n'est pas une, mais plusieurs. À chaque chanson, son clip, son personnage bien sûr, sa provocation. Star hollywoodienne façon Marilyn dans Material Girl, latine sensuelle dans La Isla Bonita, garçon manqué dans Papa Don't Preach. Un personnage multifacette fourre-tout qui fonde sa richesse sur le contraste, l'opposition. La dissonance qui caractérise le mieux Madonna, c'est qu'elle pousse à son paroxysme. C'est une dichotomie séculaire et rassurante, la maman et la putain, la vierge et la salope. La Vierge, dont elle porte d'ailleurs le nom, la Madone, c'est un leitmotiv que la jeune Madonna va exploiter autant qu'elle le peut. Madonna, like a virgin, like a prayer, the Immaculate Collection, les titres de ses quatre premiers albums entre 1983 et 1990 font référence à la religion. Dans le clip du single Like a Prayer, en 1989, elle n'hésite pas à se présenter portant les stigmates dans une église au milieu des croisés des cierges face à Jésus. Dans la suite de la vidéo, on la voit insuffler l'esprit de la danse à la petite catholique coincée, tentative de débauche qui provoque la colère de l'AFA, la très conservatrice association des familles américaines. Car si Madonna se veut pieuse et virginale, c'est une vierge bien audacieuse qui aime séduire et se faire plaisir. L'héroïne de Like a Prayer semble d'ailleurs confondre extase mystique et désir sexuel et moins érotique et amour de Dieu. Au fil des clips, où elle se la joue tour à tour stripteaseuse, dominatrice SM et vente glamour, bref, sexe à molle. En 1987, lors d'un concert mythique au Parc de Sceaux, Madonna jette sa culotte dans le public. Une audace qui plut à Jacques Chirac, et les médias s'en amusèrent beaucoup. La journaliste Florence Trédez était à Sceaux, elle témoigne. Elle a lancé sa culotte dans la foule et un certain Emmanuel, qui en a fait un site après, qui a récupéré la culotte, un fan français, oui, c'était énorme. Quoi. On avait l'impression de voir un nouveau personnage, de voir une nouvelle sorte de femme complètement nouvelle dans l'univers de la pop, c'est-à-dire une femme pas du tout formatée par les producteurs, ni non plus victime, comme a pu être Janis Joplin, un peu victime des hommes, un peu, voilà, le côté un peu... pas non plus Patti Smith, le côté très garçon manqué, mais là, à la fois, elle était à la fois sexy et à la fois complètement maîtresse d'elle-même, maîtresse de sa carrière. Donc oui, il y avait un côté féministe incroyable qui a vraiment marqué une génération de femmes, je pense. Dans le civil, Madonna ne jette pas sa culotte, mais elle porte souvent sa ceinture fétiche, dont la grosse boucle dit « boy toy », jouet pour garçon. Oui, déjà en 1987, Madonna, c'est une féminité exacerbée et le sexe assumé. Mais une sexualité encadrée de guillemets bien voyants, ironiques, comme pour dire « je suis un objet sexuel », oui, mais je contrôle. C'est vrai qu'elle contrôle tout. Fashionable, mais pas façonnable. Son corps, en ce début d'année 90, se transforme et c'est elle qui le transforme. La jeune fille, pulpeuse, à un poil grassouillette, s'impose une discipline sévère. Jogging de 10 km au quotidien, sport, yoga. Elle s'affine, elle s'assèche. Elle se prépare à un autre type de marathon qui commencera pour elle en avril 1990, une tournée mondiale de 4 mois et un show spectaculaire qui ne ressemblera à rien de connu, le Blonde Ambition Tour. Madonna a déjà fait deux tournées, The Virgin Tour en 1985 et le Who's That Girl Tour en 1987. Mais cette fois, elle veut autre chose, du spectacle, du vrai, du grand, quelque chose qui marque les esprits à la mesure de ses ambitions, de son succès et au-delà des conventions. Fini les simples concerts, aussi massifs soient-ils, Madonna veut un show total qui mêle comédie musicale, cinéma, musical, ballet, grand guignol. Elle imagine, et ce sont ses mots, une odyssée à travers le bien et le mal, la lumière et les ténèbres, la joie et le chagrin, la rédemption et le salut. Rien que ça. Avril 1990, après 4 mois de répétition dans les studios Disney à Los Angeles, 1 millier de personnes, techniciens, assistants, costumiers, danseurs et musiciens, se lancent sur les routes du monde pour une tournée qui durera 4 mois à travers le Japon, les États-Unis et l'Europe. Le premier de ces concerts a lieu le vendredi 13 avril à Tokyo. Une date malheureuse et des débuts embués. Car au Shiba Marine Stadium, un stade de l'ampleur du Parc des Princes, il pleut des cordes. Le public, tout en impair en plastique et parapluie, se réchauffe avec des bols de udon et des tasses de thé. Ils sont 30 000 à Tokyo pour 3 soirs. 3 dates à 4 millions de francs chacune et des dizaines de milliers de goodies vendus, badges, posters et t-shirts. Le merchandising que Madonna produit elle-même via sa société Boy Toy bat son plein au Japon. « 19h10, noir, roulement de tonnerre dans la sono, éclair lumineux, 7 danseurs entrent sur scène, un gigantesque escalier sort de scène et finalement, tant attendu, voici Madonna. » Elle a appelé le show Blonde Ambition, blonde comme elle, et Ambition parce qu'elle en veut, Madonna. Jamais elle n'est allée aussi loin dans le spectacle. Pendant 2 heures, elle bouscule tout. 4 tableaux et autant d'univers qui se succèdent devant un public trempé, mais comblé. Le premier tableau dans ses concerts est inspiré du film de Fritz Lang, Metropolis. Madonna y arbore un look à la fois androgyne et sexy, façon Marlène Dietrich, futuriste, les biceps saillants. Elle porte le fameux body au sein conique qui deviendra bientôt iconique. Depuis 4 mois, Madonna et Jean-Paul Gaultier travaillent d'arrache-pied pour créer le style, celui qui restera dans les annales et celui qui fera sens. Car Madonna a des choses à dire, elle veut provoquer, mais aussi libérer les esprits étriqués. Sur Express Yourself, où elle soumet ses danseurs façon dominatrice SM, elle porte un monocle au symbolisme quasi politique. Le monocle, en effet, dans les années 20, c'est un signe de reconnaissance pour les homosexuels américaines. Une façon également de parodier les hommes puissants, banquiers, chefs d'entreprise et de contester le pouvoir du patriarcat. Pour Madonna, il s'agit de jouer sur les codes du genre, comme David Bowie qu'elle cite comme modèle. Après 2 semaines de show, Japon, Tokyo, Osaka, Yokohama, retour en Amérique pour le Blonde Ambition Tour. De Los Angeles à Chicago, en passant par Toronto, Madonna va enchaîner 32 dates et défrayer la chronique. Car les Américains sont puritains et la Madonna ne leur épargne rien. Le deuxième tableau du Blonde Ambition Tour joue sur cette opposition osée que la chanteuse développe depuis plusieurs années. La Vierge, la putain, la religion et le sexe. Sur Like a Virgin, Madonna chante allongée sur un lit en velours rouge. Ses mains descendent sur ses cuisses. Elle soupire dans le micro de plus en plus lascive. Ses danseurs qui portent des soutiens-gorge la caressent et l'embrassent. Puis la musique s'accélère et Madonna entre en transe. Elle s'enroule dans les draps, la main entre les jambes, se frotte au lit, au coussin. Le public est stupéfait. Oui, Madonna est bel et bien en train de mimer la masturbation au beau milieu d'un concert. La mise en scène voulue par Madonna ne va pas plaire à tout le monde, forcément. À Toronto, quelques minutes avant le show, la police fait irruption en coulisses, accompagnée d'un représentant du procureur. Si Madonna garde la scène de la masturbation, elle sera poursuivie pour outrage à la pudeur en présence de mineurs. Le manager de la chanteuse est partagé, alors il propose à la star de faire une annonce avant le concert pour prévenir le public que le spectacle comprend des scènes explicites. Madonna refuse, comme on l'entend dans cet extrait de In Bed with Madonna, un documentaire d'Alex Kechichian, où elle délivre sa traditionnelle prière d'avant show avec ses danseurs. Did you guys hear? Vous avez entendu? That the police are here? La police est là. Si je me touche pendant le spectacle, je me ferai arrêter. Oh, on va en prison, je suis trop excitée. Seigneur, c'est notre dernier soir à Toronto, l'état fasciste de Toronto. Je sais que mes petits sont un peu fragiles. Sachez que je vous aime tous. Merci pour ce que vous faites pour moi. Je suis là si vous avez besoin de moi. Donnez-moi tout ce que vous avez ce soir. Passez un bon moment et n'oubliez pas qu'aux États-Unis, on a la liberté de parole. On va tout déchirer. Show your ass than your feelings, right? Tonight, I'm gonna try to do both. Parfois, il est plus facile de montrer ses fesses que ses sentiments. Et bien ce soir, je vais essayer de faire les deux, nous dit Madonna. Car malgré les menaces, la chanteuse ne cède pas et la police abandonne. Pas d'amende finalement, pas de procès pour la Madonna qui peut continuer tranquillement à provoquer les mères de famille bégueules. Tranquillement jusqu'à ce concert en Italie en juillet. Depuis 10 jours, le Blonde Ambition Tour a pris ses quartiers d'été sur le vieux continent où, pense Madonna, la grivoiserie est mieux acceptée. À Paris, par exemple, où elle s'est produite 3 soirs de suite à Bercy, le public a volontiers applaudi la gauloiserie du spectacle. Mais en terre italienne, sévit, rappelons-le, le Vatican. Sous sa pression, le manager de Madonna doit annuler plusieurs concerts en Italie. À peine arrivée à l'aéroport, Madonna exprime ses regrets et sa colère. Je sais que le Vatican et certains groupes catholiques accusent mon spectacle de blasphème et tentent d'empêcher les gens de le voir. Basta, per favore! Je ne défends pas un mode de vie. Je le décris. Et le public est laissé libre de faire ses choix. C'est ce que j'appelle liberté de parole, d'expression et de pensée. En m'empêchant de faire mon spectacle, vous dites ne pas croire en cette liberté. Et si vous ne croyez pas en cette liberté, vous enfermez l'esprit des gens. Chaque soir, avant de monter sur scène, je prie, non seulement pour que mon show se passe bien, mais pour que le public le regarde avec le cœur et l'esprit ouverts, comme une célébration de l'amour, de la vie et de l'humanité. Si le Vatican s'oppose à la tenue de ses concerts, c'est parce que Madonna plus que jamais joue avec le feu. Non seulement elle met en valeur sa sexualité de façon assumée, presque agressive, à moitié nue, soumettant froidement ses danseurs à son joug, mais elle le fait dans un décor d'église, sous une immense croix d'acier entourée de cierges et de piliers romans. Et pendant qu'elle mime la masturbation dans cette scène devenue mythique, la propre voix de la chanteuse retentit comme une prière et répète ce mot qui résonne dans la salle « God ». Après 4 mois d'un show éprouvant qui aura mobilisé 1000 personnes autour de la chanteuse, 64 heures cumulées de danse et de chant, une machinerie lourde et complexe, c'est la fin. Le 5 août 1990, à Nice, Madonna salue pour la dernière fois le public du Blondland Mission Tour. Cette tournée qui vient de s'achever, Madonna le sent, c'est la preuve de l'étendue de son règne. D'ailleurs, elle a fait en sorte qu'il en reste une trace au-delà des larmes de joie séchées sur les joues de ses fans. Un film tourné pendant le Blondie Mission Tour. Pendant 4 mois, une équipe de tournage menée par le réalisateur Alex Kessichian a suivi la chanteuse dans ses aventures. Le film In Bed with Madonna, en version française, présenté hors compétition au Festival de Cannes en 1991, crée l'hystérie. 10 000 personnes se pressent pour voir la star sur les marches. Ou pas d'ailleurs. Donc on a été un peu gênés par les photographes, par les gens, tout ça. Mais on a pu la voir quand même, ouais, quand elle est montée par les escaliers. Moi, j'étais là avec mon appareil photo. Et bon, déjà quand elle est arrivée, tous les photographes se sont rués sur elle. Et on n'a rien vu du tout. On a vu le sommet de son crâne. C'est même pas retourné, rien. Une foule de photographes, n'est-ce pas, devant elle, qui a caché complètement Madonna. Entre ses gardes du corps et les photographes, et bien, on a su qu'il y avait Madonna parce que certaines personnes ont crié, donc c'est comme ça qu'on a pu savoir que Madonna était là. Ouais, elle avait son petit corset, tu sais, le blanc, vachement moulant, tu vois. C'est Madonna, quoi, elle est vachement costaud déjà. Je me suis dit, en course à pied, elle doit me manger. En 2 heures avant, elle était là, je vois Madonna, je prends une photo. Et finalement, non, c'est bien démerdé, mais ça s'est retrouvé au premier rang, quoi. Cool. On est légèrement passé par-dessus la barrière. Ah, moi j'ai rien vu, mais si tu veux, je te raconte. Le documentaire, qui a coûté 4 millions de dollars, est un succès. On y découvre les coulisses de la tournée. Madonna avec son équipe, Madonna avec sa famille, Madonna triste, Madonna tendre. La chanteuse s'y montre sous un jour nouveau, maternel, douce. Avec ses jeunes danseurs, surtout, qu'elle chouchoute, qu'elle conseille comme une maman attentive. Le film, au-delà de la tournée, aborde la question de l'homosexualité. Dans une scène rare, pour l'époque, on y voit 2 hommes s'embrasser à pleine bouche. Car tous les danseurs du Blonde Ambition Tour, sauf un, sont gays. C'est un choix délibéré de la chanteuse qui les a recrutés au Sun Factory, un club de voguing à New York. Le voguing, c'est un style de danse et un état d'esprit qui regroupe à l'origine la communauté gay afro-américaine issue des quartiers populaires de New York. Les concours de voguing, qui mêlent danse et travestissement, permettent à une communauté stigmatisée de s'inventer une nouvelle identité tout en déjouant les codes du rêve américain. Lors de ces concours, des juges évaluent le style et les poses des danseurs qui bougent à la manière des mannequins de magazine. Madonna, symbole de la libération des mœurs et porte-parole de la cause homosexuelle, assume et nourrit son statut d'icône gay dans la lignée de Marlene Dietrich, Greta Garbo, Judy Garland ou Donna Summer. Certains détracteurs l'accusent alors de réappropriation culturelle à des fins marketing. Car c'est certain, Madonna transforme des réalités culturelles pointues et communautaires en produits de consommation de masse. Mais ce faisant, disent ceux qui la défendent, ne met-elle pas en valeur des luttes des existences d'ordinaire mises à l'écart ? En 1987, le souvenir marquant de la tournée de Madonna, c'était la petite culotte jetée dans le public au parc de Sceaux. En 1990, c'est la scène de masturbation. Un geste plus que suggestif qui va encourager Madonna la provocante, mais aussi Madonna la femme d'affaires à poursuivre dans cette direction fructueuse. Après le blond en Mission Tour, une nouvelle période s'ouvre pour la chanteuse. Le sexe, mais sans le contrepoint religieux virginal de ses premières années. Non, plus que jamais, elle fait le choix du soufre, comme avec son nouveau clip « Justify My Love » qui sort juste après la tournée. Carré blanc pour Madonna. « Justify My Love »,« Justifier mon amour », c'est le nom de la chanson, aurait mieux fait de s'appeler « Look at my underwear »,« Regardez mes dessous ». La chanteuse nous avait habitués à des tenues légères, à des déclarations volontiers grivoises et à quelques postures provocantes. Mais là, elle a poussé le bouchon un peu plus loin. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une exposition de lingerie féminine. Cette fois, elle ne nous livre pas ses en solo, cette fois elle a carrément invité son petit ami, Tony Ward, à participer à ses ébats. Madonna nous y fait largement admirer ses aux formes généreuses et ses guinées de noir. Enfin, elle adopte avec son compagnon quelques sans équivoque. Au début, la direction de la chaîne MTV n'a pipé mot. Mais en voyant la totalité du clip, elle en a été toute retournée. Elle parle désormais de voyeurisme, de bisexualité, de travestissement et, celle pompon, de sadomasochisme mou. Et elle a donc purement et simplement censuré le bip, ou plutôt non, le clip. Les projets s'enchaînent avec une constante, une sexualité décomplexée. Dans son nouvel album Erotica, qui sort en 1992, Madonna s'invente un alter ego sadomasochiste, Mistress Dita. Le disque se double d'un projet marketing produit par la société de Madonna, Mavericks Production. Un livre de photos érotiques qui va encore une fois défrayer la chronique. Son titre, Sexe, tout simplement. On y voit la chanteuse, tour à tour ligotée, à quatre pattes au-dessus d'un chien, faire de l'autostop, nu, se masturber ou raser le pubis d'un homme. Des clichés souvent amusants qui mettent en avant toutes les sexualités sans complexe. Le livre va être vendu à 1,5 million d'exemplaires, un spectaculaire succès d'édition. Chère Madonna, ce matin, la France s'est ruée sur votre dernière publication pour vous prendre en flagrant délit d'exhibition. Une couverture fermée en aluminium pour éloigner les voyeurs, de toutes les opérations marketing, c'était la meilleure. Alors pour 300 francs, le public s'est offert un condensé de fantasmes qui, une fois de plus, vous expose au sarcasme. Les 25 000 exemplaires mis en vente en France ont trouvé très vite autant d'amateurs en transe. J'aime les beaux livres. J'aime pas du tout ce que fait Madonna musicalement parlant, mais ça je trouve plutôt intéressant. Personne qui sait ce qu'il y a dans cet emballage, moi le premier. J'ai envie de savoir, on en a tellement parlé internationalement, que je veux savoir ce qui a provoqué ce coup de marketing. Ce genre de cliché où vous simulez votre détresse nous permet d'admirer, chacun le confesse, une fort jolie paire de bas. Lorsque suspendu à un avion, vous arborez votre air folichon, les regards se braquent sur vos deux bras. Si ce n'était pas vous, franchement Madonna, qui serait intéressée ? L'album Erotica et le livre Sexe sont bientôt suivis d'un film explicite, Body of Evidence, dans lequel Madonna joue une femme séductrice et manipulatrice. Et dans la vie comme au cinéma, la chanteuse est à la manœuvre. Avec Mavericks, sa société, elle produit ses propres disques et ceux des autres, des artistes qui partagent son discours antiraciste, anti-homophobe et féministe. Féministe, vraiment ? S'interrogent certains observateurs. Certes, Madonna contrôle son image et c'est elle qui tire les ficelles de son gigantesque empire. Mais à quel prix ? En se réduisant à n'être que sexuelle, n'encourage-t-elle pas le sexisme ? Don't cry for me, Argentina. Mais cette femme-là, et c'est là sa caractéristique principale, n'est jamais celle qu'on pense. Après la sexualité crue du début des années 90, elle prend un autre chemin qui détonne par son sérieux. 1996, elle chante en effet Don't Cry for Me Argentina à l'occasion de la sortie du film Evita, dans lequel elle joue Eva Perón, actrice et femme politique argentine. Un tournant surprenant de sobriété, suivi dans les années 2000 d'une nouvelle période, politique cette fois. En 2003, Madonna sort American Life et s'élève contre la politique de George Bush. Un énième personnage, celui de la femme engagée, qui montre que Madonna coche les cases les unes après les autres, la religion, le sexe, la politique. Capable de tout, la chanteuse continue de suivre au fil des ans cette ligne qu'elle a tracée lors du Blonde Ambition Tour de 1990, brouiller les pistes, mélanger les genres et provoquer toujours. Chanteuse, auteure, compositeur, actrice, productrice, femme d'affaires, réalisatrice, auteure de livres pour enfants, Madonna fait tout et reste aujourd'hui encore l'une des artistes les plus célèbres au monde. Offensive et ambiguë, elle donne à voir l'image d'une femme libre, engagée, mais qui dérange aussi tant elle se fait, parfois et malgré elle, le chantre du capitalisme. Icône parmi les icônes, elle a imposé son style au cours d'une carrière dont les bases ont été posées lors du Blonde Ambition Tour de 1990. Les soutiens-gorge coniques de Jean-Paul Gaultier, les provocations sexuelles, la référence au catholicisme, la défense de la cause homosexuelle, autant d'éléments, autant d'ingrédients qui ont construit le mythe Madonna. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy, that girl is a tomboy, that girl is a tomboy. With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me. Set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang. Gold hoops and a name chain, 10 boots and like 4 rings. Missy Elliott can't stand the rain, you lame, playing the same games. Little titties not so damn pretty. Staircase in a crack Philly. Little titties in a fat kitty. Big pants and some stuffed shoes. Bop bop bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly. My little titties, my fat belly. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. Who that is, ho? That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. He think it's a spell. There's levels to magic and he cannot tell. He fuck with my bro, how my pussy is spelled. My thought is special, got locked like a jail. It's Polo, it's Tommy, it's Mecca, it's naughty. I'm finna sit back and just sip on Bacardi. You come to my party, you go meet my army. A room full of girls and we acting real rowdy. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Madonna, notre invitée, Carole Bonnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste aux Inrecuptibles. Alors, vous traitez des questions de féminisme, des questions de genre, et puis globalement, pop culture, quoi. Voilà, Vous êtes journaliste pop. Ou c'est de ça, pop. C'est ça, pour faire très vite, oui. Bon, alors, Madonna, sa carrière, ses provocations, son engagement, est-ce que c'est un modèle pour les chanteuses américaines d'aujourd'hui? Voilà, c'est une vaste question. Je crois. C'est pour ça que je commence par là. écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'attention le reportage précédent et je pense que le Blonde Ambition Tour, c'est un peu, c'est très intéressant de s'y pencher parce qu'en fait, c'est le moment où Madonna vraiment montre que la sexualité n'est pas qu'une question de reproduction, que la sexualité n'appartient pas qu'à la chambre à coucher conservatrice. Que la sexualité, en fait, c'est vraiment une question de jouissance. Et c'est ça qu'elle proclame, en fait, sur scène. Et c'est ça qui dérange énormément les gens. Et c'est ça que vont ensuite proclamer plein de stars et de pop stars. On peut penser, donc tout à l'heure, on entendait un titre de Princesse Nokia, oui. Tomboy. Mmh. C'est exactement la même chose que fait Princesse Nokia dans un style complètement différent. Parce que, donc, d'une part, c'est du rap. Et je ne suis pas certaine que Princesse Nokia soit influencée directement par Madonna. Faudra lui demander. Mais c'est aussi ce que fait princesse Nokia en expliquant voilà que elle a le corps qu'elle a, qu'elle a la sexualité qu'elle a et qu'elle fait ce qu'elle veut de sa vie. Et c'est exactement ce que faisait Madonna en fait en 1990. À ceci près, une petite nuance quand même, au moment où Princesse Nokia chante Tomboy, garçon manqué, Madonna, elle chantait Toy Boy, joué pour le garçon. Boy Toy, ouais. Boy Toy, ouais. Mais le Boy Toy de quand Madonna, même, le Boy Toy de Madonna, je pense qu'il est vraiment très ironique. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui, à la fois, s'amuse énormément du jeu des stéréotypes et du jeu des images, mais c'est quand même quelqu'un qui avait vraiment cette fibre ironique surtout et cette fibre de retournement des symboles. Donc, quoi, elle porte une ceinture qui dit Boy Toy. Madonna, elle dit vraiment, elle se moque de ça en fait. Elle dit, bah non, en fait, je suis pas le Boy Toy, je suis le, c'est moi le sujet. C'est moi qui vais prendre les décisions. Parce qu'elle joue, parce qu'elle est joueuse, elle joue sur l'ambiguïté. Madonna, en fait. Complètement. De la même façon, quand elle se proclame bitch, bitch I'm Madonna, comme elle l'a fait dans les années bien plus tard, 2010, quand elle utilise le terme de bitch, donc de salope, en parlant d'elle-même, c'est une façon pour elle de se moquer de ce qui est à la base une insulte. Et donc, c'est vraiment, en fait, un mécanisme, on va dire, du discours féministe et plus largement du discours anti-discrimination. Alors, je reste sur les héritières ou pas, d'ailleurs. Beyoncé, Rihanna, ça, c'est plutôt l'hyperféminité que l'ambiguïté, non ? Oui, je pense qu'en fait, que ça soit Rihanna ou Beyoncé, elles se réapproprient la féminité telle qu'elles l'entendent. Et en fait, c'est un moyen pour elles de réaffirmer le fait qu'elles sont des sujets agissants, qu'elles sont maîtresses de leur vie, de leur sexualité, qu'elles ne sont pas des objets et qu'elles n'ont pas à être modelées par le regard, on va dire, des hommes pour faire très vite. Alors, le côté à la fois vierge et femme fatale, la petite fille et le sexe symbole de Madonna, c'est une dualité qu'on retrouve chez d'autres chanteuses plus jeunes. C'est une formule qui persiste ou pas ? Bah, on l'a énormément retrouvée chez Britney Spears, ouais. Ça c'est sûr. Bah oui. L'héritière, quoi. Ah bon, la grande héritière de Madonna. Je trouve qu'actuellement, non, les pop stars jouent beaucoup moins, j'ai l'impression, avec ces symboles-là. Peut-être qu'elles en inventent d'autres. Je trouve par exemple que quand on regarde Rihanna, Beyoncé, même Taylor Swift, ou même Lady Gaga, qui pour moi est une grande héritière quand même de Madonna, on l'oublie trop souvent. C'est peut-être la plus grande héritière à mon avis de Madonna, parce que c'est quelqu'un qui a complètement compris ce qu'était la pop. C'est-à-dire que qu'est-ce que la pop ? Enfin, la pop, il n'y a pas beaucoup de définitions de la pop, à part que la pop, c'est vraiment le croisement et le réassemblement de beaucoup de choses qu'on a glanées un peu dans différents milieux socioculturels, on va dire. Et donc, en fait, Lady Gaga, c'est ce qu'elle fait. Elle reprend, elle pique ça ici, elle pique ça là, et puis elle en fait sa propre musique, son propre univers artistique. Et c'est aussi quelqu'un qui est fasciné par le côté image, le côté construction de personnages, se dédoubler et voir devenir son propre monstre en fait. Et Madonna, elle avait pas peur de ça. C'est quand elle se pointe sur la scène du Blonde Ambition Tour avec les seins coniques qui ressemblent en fait à des obus, à des armes nucléaires. C'est quelqu'un qui se transforme, qui transforme en fait sa féminité en monstruosité. Et justement, qui dérange. C'est-à-dire, on sort de la zone de confort totalement. On n'est plus dans une zone de confort où la femme est un petit être doux et bien docile et bien gentil qui fait à manger et qui s'allonge sur un lit. Là, du coup, la femme devient une personne à part entière en fait, et qui peut déranger et qui peut choquer et qui peut ou ne pas choquer, mais qui est capable de faire ce qu'elle souhaite faire. Tiens, à propos de choquer ou pas choquer, ou moins choquer ou plus choquer, à Paris, à Nice, Madonna qui mime la masturbation sur scène, bah, ça n'a pas provoqué de tollé particulier. Au contraire, en France on a plutôt apprécié. Aux États-Unis beaucoup moins. C'était dur pour elle. Je pense que l'Amérique, de toute façon, est quand même beaucoup plus puritaine. Hein. D'ailleurs, en 1984, quand Madonna a fait les MTV Video Music Awards, elle s'est retrouvée donc à chanter Just Like a Virgin sur la scène. Et en fait, malencontreusement, elle a perdu sa chaussure et elle savait plus comment gérer. Donc, elle s'est retrouvée un peu à se traîner par terre et se frotter l'entrejambe par terre. Et on voyait sa culotte et tout le monde était hyper choqué, et ça a fait un énorme scandale dans l'Amérique. Reagan venait d'être élu et c'était une catastrophe pour l'Amérique. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait à la télé et ce que cette jeune fille était en train de faire sur une scène de MTV Video Music Awards. Et donc je pense qu'effectivement l'Amérique est quand même plus puritaine que la France. Après, dire ça, c'est un grand raccourci aussi. Et on n'a pas en France, on va dire la vérité, on n'a pas de pop stars comme Madonna, ou du moins nos pop stars se construisent différemment. Oui, pas forcément la dimension internationale et planétaire des pop stars anglo-saxonnes, américaines ou anglaises, évidemment. Alors, à propos de féminisme, on va écouter, vous allez voir, c'est assez court, mais assez percutant. L'auteur et journaliste américaine Barbara Victor, interviewée par France 3, et voilà ce qu'elle dit de Madonna. C'était quelqu'un qui a changé la société américaine. Parce que la révolution féministe était pour les femmes éduquée d'un certain niveau social. Et la révolution féministe en Amérique a tout à fait oublié les femmes serveuses, les femmes de ménage, les femmes qui étaient vraiment simples, qui avaient besoin d'être défendues. Alors, les femmes comme ça avaient besoin de Madonna, qui lui donnait une voix. Ce serait la féministe du peuple, on pourrait dire ça? Mais vu son parcours personnel, oui, je pense. C'est Madonna, faut pas oublier que c'est quand même quelqu'un qui s'est élevé à la force de ses propres bras. C'est quelqu'un qui a toujours géré d'une main de maître sa carrière, qui co-signe et co-écrit la plupart de ses morceaux, qui a monté donc son label Maverick Records. C'est en fait, elle a quand même mené de bout en bout sa carrière. C'est pas du tout la pop star qui est manipulée par des pygmalions masculins qui se cacheraient dans l'ombre. C'est vraiment une femme qui est aussi une businesswoman. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que au-delà des symboles, on va dire culturels qu'elle nous envoie, c'est aussi quelqu'un qui a l'argent, en fait. Et donc, qui a l'argent, qui a le pouvoir, qui maîtrise sa vie. Elle a maîtrisé. Est-ce qu'elle a vraiment maîtrisé dès le début? Parce que elle était jeune, il y avait tout un système. D'après ce qu'on a raconté, nous, dans le récit, dès sa jeunesse, tendre jeunesse, elle a déjà ce caractère-là, à ne pas se laisser manipuler par un système. Ça commence tout jeune. Oui, ça commence vraiment toute jeune. Par exemple, sur sa collaboration avec Nile Rodgers, c'est vraiment elle qui quasiment allait le chercher, quoi. Elle a complètement validé cette collaboration. Elle a pas du tout subi. Madonna, je ne crois pas, là, comme ça, qu'elle ait subi quelque chose dans sa carrière ou alors qu'elle ait exprimé un quelconque regret à un moment. Même, par exemple, Just Like a Virgin, elle n'a jamais regretté ce morceau. Elle a jamais regretté le clip. Elle l'assume complètement. Et pour elle, par exemple, la pochette de l'album sur laquelle on la voit, donc, dans une espèce de robe de mariée, qui est très très décolletée avec son nom en gros, donc Madonna, où elle joue directement avec les codes la Madone et à la fois la mariée, à la fois la putain, à la fois elle a ce regard de braise qui est assez incroyable. Elle l'assume tout au long de sa carrière. Est-ce que pour vous, Madonna, en fonction de tout ce qu'on vient de dire, est une icône du féminisme moderne dans ses formes de combat vraiment très contemporain, très moderne? Oui, je pense, encore à l'heure actuelle. Déjà en 2016, par exemple, Madonna, elle prenait la parole sur la scène des Billboard Music Awards en racontant un viol, donc devant une assemblée ébahie, et en critiquant donc la misogynie à laquelle elle avait dû faire face toute sa carrière, ce qui était vraiment un discours qui était très très fort et qu'on a un peu trop oublié. Et c'est encore quelqu'un à l'heure actuelle donc qui a 59 ans et qui se joue justement de ce côté pop star vieillissante, c'est-à-dire qu'elle dénonce ça tout le temps, que ça soit sur Instagram, dans ses clips, elle en fait des tonnes, elle multiplie les chorégraphies et elle continue justement à dire donc comme ça, on ne pourrait pas vieillir dans la pop. Et c'est vraiment, elle se moque de ça et elle prouve le contraire et je trouve ça vraiment sublime. Et c'est pour ça que pour moi, Madonna, elle renvoie une image aux femmes qui est assez essentielle, je dirais. C'est une femme clairement intelligente. C'est une femme qui est, elle l'a dit elle-même, unapologetic. Mmh. C'est-à-dire que c'est une femme qui n'a pas besoin de s'excuser. Et c'est un peu le discours, si on devait n'en retenir qu'un, le discours qu'elle envoie au monde, pas qu'aux femmes d'ailleurs, on va dire pour faire très vite à toutes les communautés, même si j'aime pas trop ce terme, qui ont pu être victimes de discrimination, donc que ça soit les homosexuels, par exemple avec le voguing, que ça soit les femmes, elle envoie toujours le message de « vous n'avez pas à vous excuser, vous êtes qui vous êtes et vous avez à vous accomplir en fait et à jouir de votre vie et à être qui vous êtes et à trouver votre propre identité et à ne pas subir de normes qui auraient été imposé par un quelconque des facteurs extérieurs. C'est un vrai traité de philosophie moderne. Bah oui, c'est un traité, mais la pop culture est quand même passionnante là-dedans. C'est-à-dire que souvent on dénigre un peu la pop culture parce que c'est vrai qu'il y a un côté, pop, et puis il y a un côté où voilà, Madonna elle remplit des stades. C'est pas, elle n'est pas en train d'écrire des traités de philosophie, mais la pop culture c'est passionnant parce que ça reste toujours le reflet de notre société et vice versa. C'est Stuart Hall qui avait très bien dit ça. Donc c'est toute l'histoire des cultural studies, c'est-à-dire que la société se nourrit de la pop comme la pop se nourrit de la société. société. Donc si on ne s'intéresse pas à la pop, on ne s'intéresse pas à notre société. Oui, on a vu comment la pop, dans ses fondements, dans sa création dans les années 60, avec les Beatles bien sûr, les Stones aussi, et bien d'autres, ont aussi fait changer la société. Et se sont aussi nourris de la société d'ailleurs, pour en être des porte-paroles. C'est vrai qu'il y a les deux. On entend souvent parler d'empowerment. Vous pouvez me dire ce que c'est? Alors, allez. L'empowerment, c'est le fait de... L'empowerment, c'est le fait de s'empowerer tout seul, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait de se donner du pouvoir, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ouais. C'est-à-dire que c'est le fait de prendre conscience qu'on n'a pas à subir des choses, et qu'on peut aussi être acteur de sa propre vie, et qu'on peut aussi, nous aussi, avoir le pouvoir. Et donc, dans ce « nous », j'inclus donc des communautés, comme je disais tout à l'heure, qui ont pu être victimes de discrimination. Par exemple, quand Madonna, elle s'entoure de danseurs qu'elle a chopés dans le voguing, ou alors qu'elle s'inspire du voguing, ça a pu être décrié parce qu'effectivement, il y a un côté un peu appropriation culturelle, mais il y a aussi un côté où soudain, elle met la lumière sur toute une communauté underground homosexuelle de danseurs donc culturels, oui, on a raconté, voilà, qui dont beaucoup étaient touchés par le SIDA, et donc elle mettait soudain en lumière dans les médias mainstream et aux yeux du public mainstream une communauté qui était trop souvent passée sous silence. Et je suis désolée, mais en faisant ça, c'est quand même une démarche qui est hautement politique. Car puisqu'on parle de politique, cet été, Emmanuel Macron a reçu Rihanna à l'Élysée pour parler de la Fondation pour l'éducation dont elle est ambassadrice. Alors, immédiatement, les réactions sexistes ont fusé. Dans Speech, un programme court proposé par le site internet Combini, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, répondait ainsi à la question. Alors, pas trop jaloux de la relation Macron-Rihanna? Ah si, bah en plus je suis arrivé à l'Élysée, elle était encore là et on nous a fait passer par une porte dérobée, j'ai même pas pu rencontrer Rihanna, mais je trouve que finalement j'aurais été un peu déçu, sa tenue était peut-être un poil trop ample. Bon, comme ça, a priori, cet archive n'a pas un grand intérêt politique, n'empêche que, qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette réflexion de que vous venez d'entendre de Monsieur Castaner? Je trouve ça d'une stupidité sans nom. Tout simplement parce que oui, il faut toujours en fait renverser les choses, c'est-à-dire que est-ce qu'on imagine une femme dire ça? Je crois pas qu'une femme en fait s'intéresserait comme ça autant à l'apparence de quelqu'un qui serait reçu par Emmanuel Macron. C'est vrai. On imagine mal dire ah bah oui, ce monsieur était bien, mais son pantalon était trop ample. Oui, absolument pas. Ouais. C'est vrai, on le voit jamais. Il y a qu'à regarder les reportages, le paysage médiatique, on le voit jamais. Et en fait, quand on veut savoir s'il y a un problème quelque part, souvent l'exercice que je conseille, c'est de faire ce jeu de renversement. C'est-à-dire est-ce que l'inverse nous choquerait ou pas? Est-ce que l'inverse, on l'entend souvent? Non. Et effectivement, je veux dire, parler de la tenue de Rihanna, on peut parler de l'invitation de Rihanna à l'Élysée, qui est un autre sujet politique, mais de la tenue de Rihanna, je vois pas l'intérêt. Ah voilà, mais c'est pour ça qu'on a passé l'archive, pour montrer qu'il y a encore du chemin à faire. Une tenue qui était très belle, soit dit en passant, qui était assez, assez stylée. Ce sera le mot de la fin, Carole Bonnet. Je vous remercie. Au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Madonna, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Henri Bérec qui était à la technique aujourd'hui.